Vous écoutez France Culture. Quatrième temps de notre semaine consacré à l'histoire du patrimoine, à l'occasion justement du centenaire de la loi de 1913 sur les monuments historiques. Lundi, nous avons évoqué la patrimonialisation avec le philosophe Olivier Mongin. Mardi, expliqué comment le patrimoine industriel avait rejoint dans les années 70 les cathédrales et les châteaux du Moyen-Âge, justement dans ce terme de patrimoine. Hier, Séverine Yattard vous a fait visiter l'école des Chartes, lieu par excellence de la formation des professionnels du patrimoine. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons donc vous expliquer avec cette même Séverine Yattard qui a préparé cette semaine avec nous, comment et pourquoi tous les métiers du patrimoine vont fêter au moment des entretiens du patrimoine les 19 et 20 novembre prochains, cette loi de 1913 sur les monuments historiques. Pourquoi est-elle née à cette période, alors que la préoccupation patrimoniale remontait au moins aux années 30 du 19e siècle? Quels ont été les acteurs de ce débat? En quoi cette loi a-t-elle été importante pour la patrimonialisation au 20e siècle? C'est ce que nous verrons avec Marie Cornu, elle est directrice de recherche au CNRS, directrice du SECOJI, le laboratoire de coopération juridique internationale. Elle a coordonné avec Jean-Pierre Badi, Jérôme Fromageau, Jean-Michel Legnaud et Vincent Négri, 1913, jeunesse d'une loi sur les monuments historiques, publiée d'ici quelques jours au comité d'histoire du ministère de la Culture et à la documentation française. Arlette Auduc est agrégée d'histoire, docteur en histoire de l'architecture. Elle est chef du service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Elle participe à ce même ouvrage et elle est auteure également de « Quand les monuments construisaient la nation ». Et Nathalie Henisch est sociologue, auteure l'an dernier de « La fabrique du patrimoine » paru à la Maison des sciences de l'Homme. Commençons cette émission, comme chaque jeudi, par un petit tour d'horizon des nouvelles sur l'actualité de l'histoire récoltées dans les journaux, les revues et sur le net. Alors qu'à la suite de l'affaire Leonarda, le débat sur le droit d'asile continue à remplir les colonnes de vos journaux, remercions Benoît Kermoal, historien, qui, en même temps qu'il rédige sa thèse sur la position des socialistes bretons face à la violence entre 1914 et 1940, tient un passionnant carnet de recherche sur le net Enklask, E-N-K-L-A-S-K, ce qui signifie « enquête en breton ». Il y a posté cette semaine un article sur la position de la mairie socialiste de Landerneau face aux réfugiés espagnols entre 1937 et 1939. Qui explique-t-il ? Eh bien que la ville de Landerneau, dirigée alors par Jean-Louis Roland, connaissait donc deux vagues de réfugiés espagnols en juin 37, au moment de l'offensive franquiste dans les Asturies et au Pays Basque, et une autre lors de l'attaque sur la Catalogne en février 39. Dans un premier temps, Landerneau accueille pendant près de 6 mois 150 réfugiés, ce qui dépasse de loin les capacités de la commune. Mais en 39, l'afflux des réfugiés est encore plus important, avec 200 Espagnols qui restent encore plus longtemps, même si on perd leurs traces après le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la presse hostile au Front populaire affirme alors que l'on accueille des hommes en âge de combattre, qui risque d'apporter la guerre civile en France, Benoît Kermoal nous explique que ces réfugiés sont des femmes et des enfants dont le plus âgé avait à l'époque 12 ans. C'est l'État qui prend tout en charge, qui alloue des indemnités à Landerneau, accusé par la presse de droite de donner plus aux Espagnols qu'aux Bretons de pure souche. Malgré ces critiques, conclut Benoît Kermoal, les appels aux dons de couverture, de nourriture, mais aussi d'accueil dans les familles sont entendus par les habitants de Landerneau. C'est à lire sur le carnet de recherche Enklask sur Open Edition. Notons que ces carnets de recherche nous font découvrir quasi quotidiennement des recherches en cours et les interrogations de celles et de ceux qui les portent. Parmi ces questions, arrêtons-nous un instant sur celle des humanités numériques. Qu'est-ce donc que ces Digital Humanities, l'application du savoir-faire des technologies de l'information et de l'informatique aux questions de sciences humaines et de sciences sociales et donc à l'histoire? Car de nombreux chercheurs, dont certains se sont réunis à Saint-Malo le week-end dernier, se demandent comment faire bénéficier les sciences humaines et sociales de ce que les techniques en réseau, par exemple, offrent comme possibilités nouvelles. Ils ont d'ailleurs débattu lors de cette manifestation qui s'appelait ZatCamp de la création d'une association francophone des humanités numériques, dont on peut retrouver une esquisse provisoire sur le blog de Marin Dacos, à qui on doit, entre autres, avec d'autres, la création de sites aussi indispensables pour nous à la recherche que revue.org, Calenda ou encore hypothèse.org. En tant que pionnier de ce secteur, Marin Dacos émet quelques vœux que cette future association donc francophone intègre l'ensemble des sciences sociales, des lettres et des arts, mais aussi des informaticiens, qu'elle soit francophone, mais pas anglophobe, dit-il, et qu'elle défende les formats ouverts de l'open source. Pour en savoir plus, je vous conseille de suivre sur le net les discussions sur cette future association qui devrait voir le jour début 2014. D'ici là, que nous offre le net en matière de recherche? De plus en plus, évidemment, car comme s'en félicite un autre excellent site d'histoire bretonne qui s'appelle EnVor, E-N-V-O-R, eh bien la Commission informatique et liberté, la CNIL, vient d'autoriser à la demande des ministères concernés de la Défense et de la Culture la numérisation, l'indexation et la mise en ligne de l'ensemble des données personnelles contenues dans les registres matricules du recrutement militaire des 9 millions de soldats qui ont été enrôlés par l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. Or, selon la loi sur les archives, ces documents peuvent comporter des données sensibles et personnelles, telles que les blessures, les maladies, les condamnations, ce qui rallongerait théoriquement les délais de communication. Mais l'approche du centenaire de la Grande Guerre a facilité les choses et désormais, les responsables des archives publiques peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel et diffuser sur Internet les registres matricules des soldats ayant servi sous les drapeaux français pendant la Première Guerre mondiale. À qui appartiennent donc les archives dont je vais parler? C'est la question que doit trancher le tribunal de grande instance de Paris à propos des 313 messages qui ont été adressés par De Gaulle à la France libre, à Churchill et à Staline pendant qu'il était à Londres entre 40 et 42. Ces messages, nous explique Clémence Jost du magazine Archimag, avaient été conservés par la secrétaire particulière de De Gaulle qui s'appelait Marie-Thérèse de Seigne et puis par ses descendants et vendus à un établissement privé, le musée des lettres et manuscrits qui les a exposés à Paris. Mais, poursuit Archimag, les archives nationales considèrent que ces textes procèdent de l'activité de l'État et à ce titre ne sont pas des archives privées. L'avocat du musée des lettres et manuscrits le conteste en expliquant que les autorités de Londres n'étaient pas alors un État. Alors privé ou public, les messages londoniens du général, le ministère public a considéré qu'ils sont bien des archives publiques, mais la décision revient au tribunal. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre. On attend avec un certain suspense ce qui va se passer à propos de ces archives privées ou publiques du général de Gaulle. Bonjour Marie Cornu. Vous êtes là pour nous parler de la loi de 1913 sur les monuments historiques, mais vous pouvez réagir à l'une ou l'autre de ces informations? Peut-être à l'occasion de la discussion sur l'apparition de cet ouvrage, sur la loi de 1913, et sur la discussion autour des humanités numériques, puisque nous avons travaillé sur un corpus numérisé d'archives très très substantiel, en particulier tous les travaux parlementaires, ont été numérisés depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est utile pour le chercheur, ça? Et donc c'est utile pour le chercheur. Pour l'instant, ça n'est pas disponible en ligne, mais nous espérons vraiment, très sincèrement, que ces documents servent effectivement à d'autres communautés scientifiques que les chercheurs qui ont été réunis autour de ce projet. Et puis, il n'y a pas seulement les travaux parlementaires, c'est pour nous ce qui a fait aussi la richesse de cette recherche, c'est que nous avons aussi rassemblé les archives des bureaux, des archives administratives. Il y a notamment un gisement très très riche à la médiathèque du patrimoine où on voit assez lisiblement, on accède à des informations très très riches sur la fabrique de la loi et notamment la fabrique de la loi de 1913. Mmh. Donc on espère prochainement que tous ces documents seront disponibles. Et puis je voulais peut-être aussi réagir sur les archives du général de Gaulle. Mmh. C'est effectivement une question très très complexe et passionnante. Et passionnante parce que ça, voilà, ce sont des archives d'intérêt historique, ça incontestablement, mais ça suffit pas pour pouvoir les récupérer au nom de l'État. Il faudrait effectivement pouvoir plaider la qualité d'archives publiques, ce qui n'est pas du tout évident parce que ça suppose de reconnaître deux États à cette période-là, potentiellement producteur de documents publics. Et pourtant, le procureur, justement, a considéré, lui, que c'était des archives publiques et veut le faire rentrer dans le patrimoine public. Oui. Il y a discussion et il y a débat. Arlette Auduc, bonjour. Vous voulez réagir à l'une ou l'autre de ces informations? Non, je voudrais juste reprendre ce que vient de dire Marie Cornu sur la numérisation des archives, des documents préparatoires à la loi de 1913. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que arriver et l'autre enjeu maintenant, c'est d'arriver à mettre en ligne ces archives. Pour les chercheurs, la médiathèque du patrimoine est véritablement la mine par excellence de l'information, puisque l'ensemble des archives du service des monuments historiques sont à la médiathèque du patrimoine. On la trouve où, cette médiathèque du patrimoine? Alors, elle est aujourd'hui à Charenton-le-Pont, elle était autrefois dans le Marais, elle est aujourd'hui à Charenton-le-Pont. Et véritablement, il reste encore à étudier des masses de documents qui sont encore là-bas et qu'il serait, je pense à des archives privées, je pense à celle de Paul Léon, par exemple, qui est quand même un des grands personnages de toute cette période. Qui est un des grands personnages de votre livre, justement. Tout à fait, et qui est véritablement sur lequel il y a des recherches absolument importantes à faire. Je crois qu'il y a une thèse qui est en cours là-dessus. À l'heure actuelle, mais véritablement numériser l'ensemble de ces archives serait pour les chercheurs un enjeu très important et leur mise en ligne aussi. Et d'ailleurs, il y a certaines de ces archives qui sont reproduites dans le livre justement qui va paraître d'ici une quinzaine de jours ou trois semaines, comme je l'ai annoncé, Marie Cornu, pour pouvoir justement les avoir en facsimilé, pourrait-on dire. Oui, absolument. Alors, si on revient avec vous, Arlette Auduc, à ce qui précède cette loi de 1913, on va expliquer pourquoi elle est importante, cette loi, mais c'est vrai qu'il faut se plonger peut-être dans le 19e siècle pour lui donner des racines à cette loi de 1913 sur les monuments historiques, si importante pour le 20e. Qu'est-ce qui se passe entre, mettons, ce moment du vandalisme révolutionnaire tel qu'on en a parlé parfois, puis ensuite de la prise de conscience autour de Louis-Philippe, c'était notre sujet la semaine dernière, de la nécessaire réconciliation des deux France. En tout cas, c'est comme cela que le voyait le roi Louis-Philippe dans l'histoire de France, la France monarchiste et la France de la République et de la Révolution française, pour qu'en 1830, justement au moment de l'accès de Louis-Philippe au pouvoir, eh bien, commence à naître cette préoccupation patrimoniale de façon un peu intense, Arlette Auduc. Je crois qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont en jeu. Il y a d'abord, vous en avez parlé, les destructions de la Révolution, effectivement, qui sont pas les seules. Hein. L'après-Révolution, l'Empire a aussi continué ses destructions. Le terme de vandalisme symbolise un petit peu toute cette période, mais il mériterait d'être réétudié et d'être réinterrogé. Mais il y a ce phénomène-là, le sentiment de la perte qu'il va engendrer. Il n'y a pas de patrimoine sans ce sentiment de la perte. Le processus de patrimonialisation, il est véritablement lié à ça. Donc il y a ce sentiment de la perte, il y a aussi le fait, à l'inverse, que la Révolution, à la fois, elle a beaucoup détruit, mais c'est elle qui est à l'origine de la conservation. En faisant ce que Jean-Michel Leniu a appelé la nationalisation de ce patrimoine-là, et en développant cette idée qu'il y a un certain nombre de monuments qui finalement appartiennent à la nation tout entière, et que donc il appartient à cette nation, telle qu'elle est en train de se constituer, telle qu'elle est en train de s'instituer, il appartient à cette nation de le protéger parce que c'est notre patrimoine commun. Alors en 1830, on invente l'inspection générale, qui est le premier pas, pourrait-on dire, vers la naissance d'une notion de patrimoine et de monument historique. C'est important. Ensuite, il y a 1837, la commission du monument historique. Et puis ça continuera 1841 avec la première loi d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et puis tout au long du 19e siècle, on va avoir se succéder, peut-être avec un petit trou au moment de Napoléon III, on va voir se succéder cette question de du souci du patrimoine, pourrait-on dire, hein, Arlette Auduc. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Souci du patrimoine, oui, mais vu d'aujourd'hui, on a l'impression que que l'évolution a été linéaire. Pas du tout. Et que régulièrement, d'année en année, ce souci s'est développé. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Entre la création en 1830 de l'Inspection générale des monuments historiques et la première loi de protection en 1887, il y a 57 ans. Donc ça prouve bien que les choses n'ont pas été aussi simples qu'aujourd'hui, on veut bien le croire. Quelles sont les difficultés que rencontre justement l'État et ceux qui défendent cette idée de patrimoine dans ces années-là pour justement ne pas faire avancer aussi rapidement les lois sur le patrimoine? Il y a des difficultés en particulier avec les municipalités, les communes, les départements, avec une forte résistance d'un milieu local à l'idée que l'État va s'occuper de ces questions-là, etc. Alors, il y a deux grandes difficultés, je dirais. Il y a a d'une part l'idée que les monuments historiques, hein, les monuments d'histoire et d'art, comme on disait, peuvent avoir un intérêt général. C'est pas évident. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, ça nous apparaît justement assez évident, assez normal, encore que c'est pas non plus quelque chose d'aussi simple, mais cette idée-là de l'intérêt général et de l'intérêt public d'un monument va mettre beaucoup de temps à se développer et surtout à se développer dans toutes les strates de la société. Il y a une petite effectivement minorité d'intellectuels pour qui ces choses-là, je pense, Prosper Mérimée, Victor Hugo, Victor Hugo effectivement, hein, dans Guerre aux démolisseurs, qui écrit des choses absolument magnifique, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et ensuite, quand bien même ça a un intérêt public, il y a la question du droit de propriété, qui, tout le long du 19e siècle, est un véritable absolu. Cette France de petits propriétaires qui naît de la Révolution, encore une fois, je ne voudrais pas caricaturer, mais malgré tout, bon, je renvoie à des travaux d'historiens qui existent, je pense à Serge Bernstein, je pense à Christophe Charles. Donc, toute cette question du droit de propriété, de cette France de petits propriétaires représentée justement à l'intérieur des communes, c'est un absolu. C'est une ambiguïté justement de la Révolution française, puisqu'elle fait justement la part des choses, elle offre le droit à la propriété, mais en même temps, là, elle voudrait bien, d'une certaine manière, le retirer en ce qui concerne justement les monuments, enfin ce qu'elle estime être des monuments, un héritage historique. Au nom de l'intérêt public. Oui. Alors, peut-être justement, l'autre frein avec vous, peut-être Marie Cornu, frein et pas frein, l'évolution en fait de cette loi, c'est aussi le fait que le droit lui-même va évoluer. C'est ce qui va permettre à cette loi justement, petit à petit, de s'instaurer durant ces 50 années. Enfin, dans quelle mesure justement le droit a ici un rôle essentiel quand même dans le cheminement de cette loi ? Alors, c'est vrai que dans cette période des 57 ans, il y a une forme de préemption de l'État, de cette posture tutélaire, hein, sur le contrôle des travaux, sur le financement des restaurations, etc. Et comme très justement dit Arlette Auduc, il y a cette espèce de rempart du droit de propriété qui est y compris invoqué par les communes et par les départements. Bien sûr. Hein, c'est dans les débats de la loi de 1887. Il n'y a pas que les petits propriétaires, voilà. Il y a simplement les communes qui disent non, on peut être propriétaire aussi, d'ailleurs, ça peut être le cas. Voilà, tout à fait. Et en 1887, le débat va se concentrer en l'occurrence sur la relation entre l'État et les collectivités, enfin à l'époque, et les communes et les départements, établissements publics. C'est cette relation-là qui est en cause, où on va on va consolider le rôle de l'État en lui donnant véritablement des outils juridiques. Ensuite, c'est vrai qu'entre 1887 et 1913, il se passe d'autres choses qui favorisent, bien sûr, l'adoption d'une loi qui a un autre projet. Et pour mettre en œuvre cette loi aussi, il y a donc des pratiques qui vont être mises en place. Bon, on a parlé des différentes évolutions, mais on va former aussi un corps de professionnels inauguré par l'État, notamment les architectes des monuments historiques. Enfin, bon, est-ce qu'on pourrait justement parler un petit peu de cette mise en place en fait de pratiques et de lois, de législation qui permet à l'État d'intervenir Les pratiques administratives, elles se mettent en place effectivement après la création d'un corps la création du premier poste d'inspecteur des monuments historiques en 1830, la commission des monuments historiques en 1837. Et ces pratiques vont nourrir et vont alimenter plus tard, effectivement, le dispositif législatif. Avec l'élaboration notamment de listes et de listes de monuments, on commence à faire un inventaire à partir de 1840, mais c'est pas seulement un inventaire, c'est Arlette Auduc pourrait en parler, mais on va élaborer effectivement des catégories, des classifications en mettant en exergue notamment des monuments, ce qu'on appelait des monuments en type, hein, qui sont les monuments qu'il faut absolument protéger et et financé. Parce que qui dit classement dit hiérarchisation d'une certaine façon. Mmh. On se dit ça, ça vaut le coup, ça, ça ne vaut pas le coup. On a expliqué dans le documentaire de mardi comment le patrimoine industriel était rentré dans ce domaine du patrimoine dans les années 70 et les années 80. Auparavant, on ne le voyait pas, on ne le considérait pas comme tel, et puis on l'a considéré comme tel. Et ça a été le cas pour, par exemple, le petit patrimoine de petites églises, le petit patrimoine urbain, etc., qui n'entrait pas dans le cadre de ces lois. Mais qui, au XIXe siècle, était... Parce qu'au XIXe siècle, on voyait plutôt les grands bâtiments qui avaient fait la France, d'une certaine façon. Oui, d'ailleurs, le parallèle est intéressant, parce que le processus, finalement, se reproduit à chaque nouvelle étape, ouais, et à chaque extension nouvelle de cette notion de patrimoine. Et justement, pour arriver à hiérarchiser, pour arriver à classer ces monuments, il faut avoir la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, et notamment dans les années 1890-1890, il y a un vrai tournant, parce que se constitue véritablement un corps de professionnels. Mmh. Alors, pas simplement au niveau des monuments historiques, mais c'est un phénomène extrêmement général, avec le développement des concours, notamment. Et vous avez parlé de celui des architectes en chef des monuments historiques en 1892. Et c'est vrai dans l'ensemble de tous les métiers de la culture. On assiste à une véritable professionnalisation au nom de cette idée, qui me paraît aussi importante et qui va de pair avec tout ce qu'on vient de dire, c'est que le savoir appartient à l'État. Mmh. Séverine Yatta. Alors, le savoir appartient à l'État, il y a un corps de professionnels, et la société elle-même aussi, commence un petit peu à être... Enfin, l'opinion publique s'éveille un peu à ces problématiques-là. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des maires, par exemple, qui vendent aux enchères certains objets. Parce qu'il n'y a pas que l'objet mobilier, hein, il y a aussi les objets mobiliers. Justement, si, justement, ouais, il y a l'immobilier, mais aussi les objets qui vont être patrimonialisés. Il y a quelques scandales comme ça qui vont aussi accélérer, peut-être d'une certaine manière, cette réflexion et la mise en place d'une loi concernant justement la protection. Marie Cornu, avancée par le scandale. Oui, on évoquait ce terme de vandalisme et on va parler notamment de vandalisme municipal et de vandalisme de spoliateur, etc. Donc il y a à la fois les interventions intempestives sur l'immobilier, les restaurations très critiquées par certains, mais il y a aussi la dispersion du patrimoine. Et la loi de 1887 elle-même n'empêche pas, en l'occurrence, ces phénomènes de dispersion. Il va y avoir aussi l'incidence très très forte, hein, dans le processus d'adoption de la loi de 1913, de la loi de séparation des églises et de l'État, parce que là, il y a un certain nombre de risques. La loi de 1905 va être un très puissant révélateur des faiblesses du système, et ce... avec en accompagnement un certain nombre de scandales, de dispersion. Il y a des exportations massives aussi qui se dessinent. Donc tout ça va aider dans le processus et va alimenter l'idée qu'il faut une autre loi plus protectrice. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir par exemple que pour inventer cette loi de 1887, qui mettra d'ailleurs... quelques années, voire plus d'une dizaine d'années pour pouvoir naître, parce que ça part d'un rapport de Viollet-le-Duc. On est très inspiré par la législation italienne, Arletto Duc, une législation que je ne connaissais pas, j'ai appris en vous lisant dans les épreuves de ce livre qui va sortir d'ici peu. Et puis ensuite, on voit la personnalité un peu ambiguë du petit père Combes, Émile Combes, qui est contre l'État, enfin qui est contre un État qui serait trop présent, qui dit que l'omnipotence du ministre des Beaux-Arts est insupportable, qu'il faut laisser l'autonomie justement aux départements, aux communes, etc., et que cette tutelle centralisatrice est insupportable. Et le petit père Combes qui va se retrouver un peu plus tard donc à la manœuvre pour la question de la loi de 1905 donc, et la séparation de l'Église et de l'État, et qui va évidemment encombrer profondément la République. Qu'est-ce qu'on va faire de ces églises qui, donc, à partir de 1905, tombent dans le domaine du patrimoine public, et qui ne sont pas toutes d'ailleurs des églises patrimoniales ou patrimonialisées, Arletto Duc. Alors, il y a deux choses à ce que vous venez de dire. Effectivement, à propos du petit père Combes, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants de la loi de 1887, c'est cette intervention d'Émile Combes, qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne la connaissais pas. Ah oui, moi, j'ai découvert ça. C'est vraiment très intéressant. Et Émile Combes, en 1887, il est sénateur. Et il représente justement au Sénat Et c'est vraiment lui qui anime l'opposition à cette loi, hein, c'est très clair, mais avec une vigueur, une constance dans l'opposition qui sont tout à fait remarquables. Et oui, une vigueur, hein, parce qu'il dit des choses extrêmement fortes. Mmh. Et il représente véritablement au Sénat les communes et les départements, les collectivités locales. Enfin, on n'appelle pas ça encore comme ça, mais effectivement, les communes et les départements. Et c'est au nom, justement, de cette autonomie et de ce droit de propriété, hein, encore et toujours, de ce droit de propriété de ces communes et du droit qu'elles doivent avoir d'user de leur patrimoine, non seulement de propriété, mais aussi d'usage. La question de l'usage, elle est très importante, qu'ils s'élèvent effectivement contre les interventions abusives de l'État. Alors comment ça va se passer, donc, Marie Cornu, pour que à partir de 1905, on relance une discussion pour une nouvelle loi qui va être la loi de 1913. Donc, cette loi donc, qui est si importante pour les monuments historiques, pour qu'au bout du compte, eh bien, on y aboutisse en 1913 à cette loi de 1913 entre la séparation de l'Église et l'État de 1905 et les améliorations législatives qui vont permettre justement ce nouveau statut des monuments historiques. Marie Cornu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Des débats, des discussions, des tensions sur le droit de propriété, sur la question de la place de l'État, etc. Alors, déjà, le débat sur les monuments historiques s'invite dans la loi même de 1905. Donc, il va y avoir un certain nombre d'avancées dans la loi. Alors, c'est vrai que ce sont des débats qui sont un peu connexes. On peut dire que ce n'est pas le cœur du sujet, évidemment. Mais on perçoit très, très tôt les risques en termes de dispersion, notamment du patrimoine et de vente vers des patrimoines privés du fait de la loi de séparation, puisqu'il va y avoir à la fois des transferts de propriété, des transferts de charges. Donc, on a un vrai risque. Et l'administration des Beaux-Arts s'en soucie très, très tôt et va s'inviter au débat pour imposer un certain nombre de protections. Et c'est la raison pour laquelle on va protéger d'une façon assez large le patrimoine culturel. Donc, ça, c'est une première étape où on voit que dans la loi de 1905, il y a des avancées. Et ces avancées vont être un des rouages qui va conduire à la loi de 1905. C'est pas le seul, mais c'est un de ces rouages. Arlette Auduc. Oui, moi, je crois qu'il faut vraiment insister sur cette loi de 1905. Alors, effectivement, c'est pas le cœur du débat. Il n'empêche que même si c'est pas le cœur du débat, elle va avoir des conséquences absolument essentielles sur la question des monuments. Et il n'y aurait pas de loi de 1913. Alors évidemment, c'est pas le seul élément, mais il n'y aurait pas de loi de 1913 de la même manière, en tout cas, s'il n'y avait pas eu cette loi auparavant. Et d'ailleurs, l'article 16 de la loi de 1905 est consacré justement à cette question des monuments. Parce que va-t-il advenir à partir du moment où un certain nombre d'églises ne sont plus sous la protection, et ce qu'elles contiennent, ne sont plus sous la protection des communes et des fabriques, que va-t-il advenir de ces églises-là qui ne répondent pas à la définition du monument historique telle qu'elle est élaborée dans la loi de 1887. C'est-à-dire la loi de 1887 ne protège que les monuments d'intérêt national. Or, la plupart des églises de France n'ont pas un intérêt national, mais elles ont un intérêt historique, artistique, et il faut bien les protéger. Et là, si personne ne les protège plus, que va-t-il advenir de ces églises ? Il y a la question de la décentralisation aussi qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire ça intéresse l'État, mais ça va intéresser bientôt aussi les régions. On sent que c'est le contexte change, qu'il y a une défense comme ça, un petit peu du patrimoine local, qui est un petit peu soutenu par la population elle-même, la population rurale, les communes, mais avec aussi cette question qui se pose, c'est qui va financer restauration et entretien de ces monuments ? C'est vrai qu'à partir de là, les questions continuent à être les mêmes sur le plan conceptuel, je dirais, mais elles vont prendre un tel développement qu'elles ne peuvent plus être réglées justement dans le cadre qui est le cadre existant. À la fois, quand on a quelques milliers de monuments historiques, déjà la question financière est posée, elle est posée dès l'origine. Ça, alors là, il y a 5000 immeubles protégés par la loi de 1913, c'est ça ? Et 30 000 objets, c'est ce que j'ai lu quelque part. Donc, c'est ça le point de départ. Aujourd'hui, pour nous donner une petite... Plus de 40 000. C'est 43 000 immeubles protégés et 260 000 objets protégés, c'est-à-dire 8 fois et demi plus. On a beaucoup avancé. Ouais. Avancé, d'autres diront trop avancé, diront les autres. Pourquoi cette loi de 1913 est-elle si importante, Marie Cornu ? Donc, pourquoi c'est un moment important qu'il faut célébrer, comme on va le célébrer donc au moment des entretiens du patrimoine d'ici 3 semaines, 1 mois ? Alors, c'est vrai que on occulte un peu la loi de 87 qui apporte quand même pas mal de choses et notamment qui installe cette technique de la servitude d'utilité publique. Mmh. Concentrée autour des rapports entre l'État et les autres personnes publiques. Donc voilà, c'est la limite. C'est une des limites de la loi de 1887. La loi de 1913 va généraliser cette servitude, va créer véritablement une propriété à charge, quelle que soit la qualité du propriétaire public. Oui, parce qu'on se pose, la question de savoir si l'État doit être propriétaire, donc doit exproprier, ou doit au contraire être protecteur et donc créer cette servitude d'utilité publique. Voilà. En l'occurrence. Et là, c'est toute et on tranche comment alors, c'est toute la rhétorique utilisée notamment par un des acteurs très importants. Qui a commis un rapport très substantiel sur le projet de loi qui est Charles Bernier et qui indique mais la loi de 87 chassait la propriété privée puisqu'on n'avait que l'arme de l'expropriation. Finalement, cette loi de 1913 est plus respectueuse du droit de propriété parce qu'elle ne crée qu'une charge, une simple charge. Elle n'évince pas le propriétaire de son bien. Elle est moins radicale. Alors, c'est un peu une argutie juridique tout de même. Oui, c'est un peu une argutie parce qu'en même temps... Parce que le bras armé de l'État est plus fort. Voilà, on classe d'office. Hein, on peut classer d'office le bien sans le consentement du propriétaire. Alors, on va dans cette voie-là pour les immeubles. On est beaucoup plus timide et discret pour les objets mobiliers. En ce sens, la loi de 1913 ne va pas tout à fait au bout. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle on célèbre aujourd'hui la loi de 1913, c'est qu'elle a... Elle a déterminé la direction de travail du droit du patrimoine encore aujourd'hui. On peut dire que c'est une forme de carte génétique du code du patrimoine qui est très perceptible encore aujourd'hui. Arlette Auduc, sur ce point, justement, sur la suite de cette loi qui classe d'office les propriétés particulières et qui donne donc un pouvoir essentiel au pouvoir public, justement, pour pouvoir protéger le patrimoine. Et les suites, parce qu'effectivement, il y aura ensuite la loi de 1927 avec l'inscription de l'inventaire supplémentaire, la loi de 1930 sur les sites, et puis les lois de 43 sur les abords des monuments historiques, la loi de 62 sur le classement des secteurs sauvegardés et des ensembles urbains, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que c'est une première marche, même si la première marche était plutôt celle de 1887, on avance encore un peu plus avec la loi de 1913. Oui, et en même temps, toutes les lois que vous venez citer, qui vont venir après, s'inscrivent véritablement dans cette suite. La loi fondatrice, c'est effectivement celle de 1913. Alors ensuite, on élargit finalement son champ d'application de l'objet architectural ou de l'objet immobilier à ensuite aux abords, à des quartiers, etc. Mais on est dans la continuité de la loi, véritablement de la loi de 1913. Les principes qui sont en jeu et qui s'appliquent, c'est toujours les mêmes. Je voudrais quand même ajouter qu'il y a un autre élément dans la loi de 1913, l'inventaire supplémentaire, il est déjà dans la loi de 1913. Alors simplement, c'est un inventaire fermé, effectivement. Qu'est-ce qu'on appelle l'inventaire supplémentaire pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement l'inventaire supplémentaire, au titre de la loi de 1927, c'est effectivement... d'autres monuments qui n'ont pas le même intérêt que le monument que l'on va classer et qui vont bénéficier d'une protection moindre et de contraintes moindres que les monuments classés. Mais dans la suite tout à fait logique de cet inventaire qui avait été institué par la loi de 1913. Jeu de Debussy créé en 1913 dans une interprétation de l'orchestre de Cleveland dirigée par Pierre Boulez. Nathalie Hennig, vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour, vous avez écouté le début de ce débat qui revenait sur les racines historiques de cette loi de 1913, si importante pour les gens qui s'intéressent à la question du patrimoine. Vous êtes vous-même auteur, donc vous êtes sociologue, je vous ai présenté en tout début de cette émission comme sociologue. Vous êtes auteur vous-même d'un livre qui a paru l'année dernière dans la collection Ethnologie de la France aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, qui s'intitule « La fabrique du patrimoine, de la cathédrale à la petite cuillère », faisant référence en cela, je crois, à la phrase de Chastel à propos justement de la question de l'inventaire, donc on va classer de la cathédrale à la petite cuillère, et qui est une réflexion de sociologue justement sur ce que dit le patrimoine dans nos sociétés contemporaines, ce qu'il porte entre guillemets de valeur et pourquoi les temps différents, donc depuis le 19e siècle, ont fait évoluer cette notion de patrimoine. On a expliqué comment depuis la question de la propriété privée au milieu du 19e siècle jusqu'à la période de 1913, eh bien, on avait en fonction des évolutions des régimes politiques, mais également des sociétés, fait avancer cette cause du patrimoine. Ça vous paraît intéressant, justement, cette vision très longue de l'histoire qui met en relation une société, des dirigeants et cette préoccupation patrimoniale ? Ben oui, parce que évidemment, par définition, la question patrimoniale ne peut se comprendre vraiment que sur la longue durée, hein, puisque précisément, on a affaire à des objets qui sont présumés avoir une pérennité, une valeur bien au-delà du temps présent. Mmh. Donc on est forcément dans un processus qui inclut plusieurs générations, voire plusieurs siècles. Et du même coup, je pense que c'est intéressant en effet de regarder ce qui s'est passé après la loi de 1913 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a quand même plusieurs extensions hein, qui ont été données à la notion de patrimoine. D'ailleurs, il faut rappeler qu'on ne parlait pas du tout de patrimoine à l'époque. Mmh. On parlait de monuments historiques. Absolument. Et le terme de patrimoine ne s'est imposé que très récemment, à partir des années 1980. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très récent, hein, sur cette idée du patrimoine et plus seulement des monuments historiques. Et cette idée de patrimoine, en fait, est née de plusieurs extensions de la notion de monument historique à partir de la loi de 1913, une extension chronologique, une extension topographique, une extension catégorielle et une extension conceptuelle de la notion de patrimoine. Donc sur la chronologie, on sait que on a beaucoup élargi la chronologie des bâtiments et des objets jugés dignes d'être protégés par l'État. Hein. Au début, dans le 19e siècle, on était dans des périodes anciennes, et puis de plus en plus, on en est arrivé à protéger des périodes plus récentes, et on en est aujourd'hui à J-30, c'est-à-dire une génération avant l'époque actuelle. Hein. Donc, il implique une protection très élargie du point de vue chronologique. Mmh. Il y a eu également une extension topographique, puisqu'on a étendu la notion de patrimoine au-delà des objets ou des monuments jusqu'au site. Hein, la topographie, la protection des sites a également été une extension tout à fait importante après 1913. On a une extension catégorielle, puisque au-delà du noyau originel de la notion de monument historique, on a étendu, ça a été dit tout à l'heure, la notion de patrimoine à du patrimoine industriel, du petit patrimoine rural, les lavoirs, les fours à pain, etc. Donc ça aussi, c'est une autre extension très importante. Et puis la dernière extension, c'est une extension conceptuelle. Et ça, elle est essentiellement due à la création du service de l'inventaire général créé en 64 par André Chastel et André Malraux. Une extension qui fait que on a commencé à s'intéresser non plus seulement à ce qu'on appelle les unicum, c'est-à-dire les pièces uniques, mais aussi les typicum, c'est-à-dire les objets typiques, représentatifs d'une catégorie. Et là, c'est l'introduction d'une démarche beaucoup plus scientifique, hein, qui est moins une démarche esthète et plus une démarche scientifique. Qui marque tout à fait la spécificité du service de l'inventaire par rapport au service des monuments historiques. Vous êtes d'accord avec cette catégorisation qui est faite par Nathalie Hennig, justement à l'étude de cet élargissement progressif de cette question patrimoniale jusqu'à aujourd'hui ? Je suis la chef de service d'inventaire général ne peut être que d'accord avec ce que vient de dire Nathalie Hennig, et je pense que justement les travaux de l'inventaire ont contribué véritablement à l'élargissement de cette notion de patrimoine. On est à la fois successeur de la loi, mais aussi acteur de ces élargissements, notamment en étudiant ce que nous appelons, nous, le patrimoine ordinaire, qui est finalement notre cœur de métier, sans qu'il faille y voir un jugement négatif sur cette notion de patrimoine ordinaire, bien au contraire, parce que c'est pour nous une notion tout à fait essentielle. Et effectivement, on assiste là à un élargissement conceptuel de la notion, cette fois de patrimoine et non plus de monument historique. Ces éléments-là, ces éléments patrimoniaux, n'ont pas vocation, même si certains peuvent l'être, n'ont pas vocation à être classés au titre des monuments historiques. Ils appartiennent à une autre catégorie, finalement, qui n'est pas moins importante. Et je pense que c'est aussi très important dans cette évolution de voir qu'on a à la fois l'administration des monuments historiques qui continue à appliquer justement les lois de protection et ensuite tout un travail scientifique qui se fait autour d'un autre type de patrimoine. Alors Nathalie Hennig, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sociologue, vous n'êtes pas historienne, vous avez une vision évidemment de l'histoire, bien évidemment, mais vous avez travaillé sur le terrain pour faire cette fabrique du patrimoine, essayer de comprendre justement comment surgissait cette préoccupation, pourrait-on dire, au patrimoine. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que la société a changé et a accepté ces évolutions, ces élargissements que vous décriviez tout à l'heure au fur et à mesure? Quelle a été, disons, l'entente d'une société autour de cette notion et en particulier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la naissance de cette notion de patrimoine relativement tardivement à la fin des années 70 avec l'année du patrimoine et puis ensuite le développement de ce terme jusqu'aux journées du patrimoine actuel, Nathalie Hennig? Alors, comme toujours avec les phénomènes qui relèvent des sciences de l'homme, il y a plusieurs causes. On ne peut pas imputer cet intérêt pour le patrimoine à une cause unique. Alors, on a parlé bien sûr des réactions à l'iconoclasme révolutionnaire. On peut invoquer également les réactions à la modernisation accélérée depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut invoquer des phénomènes anthropologiques avec l'idée de cette sacralisation, de ces transferts de sacralité vers les objets patrimoniaux. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt de me placer au début de la chaîne patrimoniale, au moment où des chercheurs, des historiens d'art, sont chargés au sein du service de l'inventaire général, sont chargés donc de repérer ou de sélectionner des objets qui leur paraissent d'intérêt patrimonial, non pas pour les soumettre au classement, donc non pas pour leur donner une protection matérielle et juridique, mais simplement pour les inscrire dans un corpus scientifique, pour pouvoir les étudier. Et donc il s'agit plutôt d'une protection symbolique, qui passe par des mots et des images, mais qui fait quand même une ouverture du corpus patrimonial. Et donc là, on est dans un niveau de la chaîne patrimoniale qui est très peu connu du grand public, mais qui est très important pour les spécialistes, puisque c'est à ce niveau-là que va s'ouvrir la catégorie du patrimoine et qu'elle va s'élargir énormément. C'est à ce moment-là qu'on dit c'est dedans, ça entre ou ça n'entre pas. Voilà, c'est on le prend, le terme consacré, c'est on le prend ou on le prend pas. Et c'est cette petite cheville sémantique, là, ce terme, qui va faire le passage d'un objet non patrimonialisé, donc que l'on peut jeter ou laisser se détruire, à un objet non pas forcément patrimonialisé matériellement, mais patrimonialisable et en tout cas susceptible d'être considéré comme intéressant la collectivité d'intérêt général. Et donc mon idée, à l'issue du travail de terrain que j'ai fait en observant concrètement le travail de ces historiens d'art, de ces chercheurs, mon idée c'est qu'en fait, plutôt que de poser la question du pourquoi cet intérêt patrimonial, mieux vaut commencer à poser la question du comment. Et c'est en observant le comment des procédures concrètes de repérage et de sélection des objets jugés dignes d'un intérêt patrimonial que l'on peut comprendre cette extension incroyable et spectaculaire du corpus patrimonial, justement parce que ces chercheurs introduisent des critères de plus en plus raffinés, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus scientifiques aussi, qui empruntent non plus seulement à l'histoire de l'art, mais aussi à l'ethnologie, à l'histoire des usages, à la sociologie, et du même coup, on obtient quasi automatiquement une extension supplémentaire de cette notion de patrimoine. C'est pourquoi, Nathalie Hennig, vous dites que finalement, l'inventaire ne découvre pas, mais invente du patrimoine. Oui, ça, c'est le grand débat, c'est le grand débat évidemment philosophique. Hein. Est-ce que, pas seulement l'inventaire, mais toute, disons, toute institution qui représente quelque chose, découvre quelque chose qui est déjà là ou l'invente. C'est un peu des deux, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup d'inventions au sens où il faut d'abord un concept de ce qu'est le patrimoine pour pouvoir ensuite appliquer ce concept sur le terrain à des objets. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'au-delà de la catégorie originelle du monument historique, qui était donc d'emblée considéré comme d'un intérêt non seulement mémoriel ou historique ou ancien, comme le voulait Aloïs Rigel, mais aussi d'un intérêt esthétique, au-delà donc de cette catégorie originelle, on en est arrivé à s'intéresser à des objets qui aurait paru totalement saugrenu au créateur de la première loi ou même au créateur de l'administration des monuments historiques, mais qui aujourd'hui nous paraissent dignes d'intérêt parce qu'ils sont les témoins de certains usages, parce qu'ils sont typiques dans une catégorie, etc., etc. Alors, sur ce point, Marie Cornu, je rappelle que vous êtes par ailleurs directrice du SECOJI, qui est un laboratoire sur la coopération juridique internationale. Par exemple, sur cette question, vous avez réfléchi à ces différentes visions françaises et d'autres, dans d'autres pays d'Europe, par exemple, de ce qui rentrait dans ce périmètre de la classification du patrimoine en général. Oui. On est particulier, on est différent d'autres, ou est-ce que cette préoccupation patrimoniale avance à des rythmes un peu différents, un peu partout en Europe à la même période ? Alors, c'est vrai que à la fin du 19e, un grand nombre de pays se dotent de législation. Donc, on n'est pas isolé dans notre préoccupation. Et avec souvent une perception assez partagée de la nécessité de protéger des monuments historiques. La catégorie, la classification des monuments historiques est assez partagée dans la législation italienne dont vous parlez, qui est une législation considérée comme... comme la loi, la législation parfaite, très, très, très... Et les Allemands nous reprendront des choses de la loi de 1887 et 1913. C'est la loi de 1887 qui inspire beaucoup les Allemands, hein, qui considèrent que à la fois la loi et les services de protection, ils sont très, très, très admiratifs des services des monuments historiques, donc ils vont s'inspirer pour bâtir leur propre loi, alors même qu'ils sont dans un contexte très différent. Nous, on est dans dans une configuration dans laquelle l'État a une position centrale. L'Allemagne, c'est un contexte extrêmement différent. Et pourtant, ça va diffuser effectivement dans ces législations. Et la grande différence, Arlette Auduc, par rapport à cette fin du 19e siècle avec aujourd'hui, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il existe un patrimoine mondial, donc avec des institutions mondiales qui sont chargées de gérer au niveau mondial ce patrimoine mondial, et que ce soit à l'UNESCO ou encore d'autres institutions internationales. Et donc, évidemment, est-ce que vous imaginez un lissage de cette question au niveau du monde entier, un lissage de cette question patrimoniale, Arlette Auduc, sur ces questions-là? Je crois que cette préoccupation patrimoniale, on vient de le dire pour l'Europe, elle est véritablement générale. Alors avec bien entendu des contextes qui sont des contextes extrêmement différents, mais cette idée-là qu'il y a un patrimoine finalement qui est commun à toute l'humanité, c'est une idée qui est extrêmement relativement récente, on va dire. Hein, mais encore que ce qui se passe autour de la cathédrale de Reims, par exemple, après la Première Guerre mondiale, et où on voit une souscription internationale qui se met en place pour reconstruire la cathédrale de Reims, pour la restaurer, et où on voit des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains se mobiliser parce que cette cathédrale a été détruite, on se dit que là, il y a peut-être là le premier symbole de ce patrimoine mondial. Mais je voudrais revenir sur ce que dit Nathalie Heinisch à propos de l'inventaire, malgré tout. Et je crois qu'il y a une notion dont on n'a pas parlé encore. Au moment de la création de l'inventaire, André Malraux dit qu'il y a trois missions qui nous sont données, qui sont repérer, étudier et faire connaître. Et on n'a pas parlé de se faire connaître, qui pour moi est essentiel, et que la loi de décentralisation de 2004 théâtre a permis de développer dans le cadre de la régionalisation. Et je pense qu'il y a là un phénomène très important parce que plus on fait connaître ce patrimoine, et c'est aujourd'hui une des missions essentielles de l'inventaire, plus la population se le réapproprie. Et du coup... C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, voilà, c'est exactement d'autres, ça. D'autres diraient trop, comme je disais tout à l'heure, on en parlait lundi avec Olivier Mongin, c'est-à-dire à la fin, que va-t-on finir par classer, par protéger, C'est que là, on n'est plus dans cette optique-là, on n'est plus dans l'optique du classement, on est dans l'optique de la réappropriation d'une culture et d'une histoire par l'ensemble de la société. On n'est plus dans le classement. Ça marche, cette réappropriation, selon vous, Nathalie Hennig, en tant que sociologue, ça fonctionne? C'est-à-dire que cette invention du patrimoine, pourrait-on dire, cette fabrique du patrimoine fonctionne à plein ces temps-ci? Écoutez, c'est difficile, j'aurais du mal à vous le dire, parce que j'ai fait mon enquête en 2003-2004, donc justement au moment où la loi de décentralisation se mettait en place. Mmh. Donc par définition, je n'ai pas étudié ce qui s'est passé depuis. En revanche, ce que j'ai observé, c'est que la chaîne patrimoniale a quand même des maillons un peu plus faibles, et notamment le maillon qui reliait à l'époque le service de l'inventaire aux autres services, et notamment les services de protection par le classement ou l'inscription, n'était parfois pas très régulière, disons. Et voilà, donc ça dépendait beaucoup des régions, ça dépendait des bonnes relations ou des pas bonnes relations entre les responsables des services. Voilà. Là, je pense qu'on a peut-être spécifiquement en France une petite difficulté à passer du niveau scientifique de l'étude au niveau administratif de la protection réelle. Mmh. Et encore une fois, je crois que ça dépend beaucoup des initiatives régionales. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire, en effet. Alors, on aura tout intérêt à vous lire, Nathalie Hennig, pour la fabrique du patrimoine, de la cathédrale à la petite cuillère, c'est aux éditions de Maison des sciences de l'homme. On aura tout intérêt à vous lire, et je le dis vraiment avec beaucoup de chaleur, dans votre livre Maison perdue que vous avez publié chez Thierry Marchès édition, un formidable petit livre que je conseille à nos auditeurs, où vous expliquez comment vous avez perdu beaucoup des maisons dans lesquelles vous avez vécu et justement comment vous tentez de vous réapproprier par le souvenir ces maisons perdues. C'est un formidable petit livre que je conseille à nos auditeurs, et puis vraiment un gros livre là en l'occurrence, avec beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'informations à paraître d'ici trois semaines. Donc Marie Cornu, avec de nombreux contributeurs. Ah donc, une publication à la fois de la documentation française et du comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous y participez, Arlette Auduc, et vous êtes aussi auteur de « Quand les monuments créent la nation », c'est ça ? Construisez la nation, aussi au comité d'histoire du ministère de la Culture. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion, ainsi qu'à Séverine Attard qui a préparé toute cette semaine avec nous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Bruno Gagnère-Fontani était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr pour écouter ou réécouter les émissions dernières, donc et toutes celles de cette semaine sur le patrimoine, le documentaire de mardi, également la balade donc à l'école des chartes hier. Et bien c'est sur le site www.franceculture.fr. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur ces pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou nous suivre sur Twitter.